Comme chaque dimanche sur France Bleu, nous allons retrouver Jean-Michel Maman des Guides Balado. Bonjour. Bonjour. Une bonne idée de sortie. Nous allons nous balader avec vous. Nous allons explorer la France. Peut-être pour cet après-midi. Peut-être une idée pour cet après-midi ou la semaine prochaine, pourquoi pas. Jean-Michel, on va aujourd'hui du côté de Mimizan en Aquitaine pour faire quoi ? Alors, effectivement, on a rendez-vous à l'aérodrome de Mimizan pour un saut en parachute. Donc on va s'envoyer en l'air, c'est ça ? Absolument, c'est une façon de voir les choses. Alors c'est quoi cette histoire de saut en parachute ? Alors c'est une expérience vraiment exceptionnelle qu'on fait au moins une fois dans sa vie. Donc on a rendez-vous à l'aérodrome. Là, vous êtes dans un grand hangar. Mmh. Vous êtes accueilli par une équipe de professionnels qui vous rassurent déjà, puisqu'on arrive avec un bon stress. C'est flippant, quoi. C'est assez stressant de sauter en parachute, quoi. Ça dépend pour qui. Il y en a qui sont ravis et qui vont en courant. Et puis d'autres comme moi, bon, je me suis laissé un peu embarquer là-dedans. Oui, c'est ça. Ou si vous avez été para pendant votre service militaire, ça va. Mais là, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc il y a des gens qui nous rassurent. Qui nous calme, c'est ça ? Vraiment, qui vous briefe intelligemment, qui vous explique bon, que c'est quand même un sport à risque, mais qui est tellement encadré que finalement, on s'aperçoit qu'on va faire un saut avec des professionnels et ça, c'est rassurant. Ils ne vous lâchent pas une minute. J'espère que le parachute aussi ne vous lâche pas une minute. Comment ça se passe ? Alors, on monte dans l'avion Alors, on monte tranquillement dans l'avion, on prend de la hauteur. Ouais. Et donc, à ce moment-là, vous avez votre coéquipier qui est derrière, qui vous accroche des mousquetons et qui commence à serrer les harnais. Tout commence à partir du moment où vous êtes dans l'avion, une petite loupiote qui passe du rouge au vert. On comprend que ça y est, c'est parti. C'est-à-dire qu'on est déjà à 4000 et quelques mètres d'altitude. Et la porte s'ouvre tout doucement, et c'est le grand vide pour le grand saut. On saute seul ? On saute avec lui, on saute en tandem. Hein, non donc, mais vraiment, et on a les mêmes sensations que si on sautait seul, quoi. Si on sautait, oui, c'est ça, parce que... Alors, j'ai pas encore essayé seul, je n'essaierai pas, mais oui, les sensations sont vraiment à l'identique. Ah, vous n'avez pas essayé seul encore ? Ça va venir, je vous attendais, Stéphane. Oui, c'est ça, oui. Pour ça, donc, on s'approche. Non, ça fait trop peur. On met les pieds dans le vide, ouais. Et puis la tête bien en arrière, et c'est parti pour 35 à 45 secondes de chute libre, c'est-à-dire un saut à 300 km/h. Je peux vous dire que vous avez le cœur, mais qui reste attaché ou accroché à la carlingue de l'avion, et vous êtes déjà à peu près en bas. Et ensuite, le parachute s'ouvre et... Si tout va bien, hein, ça, si c'est vraiment, bien. Ça non, c'est dans l'option, oui, tout va bien. C'est très sécurisé. Plus cher, je pense, oui, c'est ça. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Alors depuis peu, maintenant, il y a un système d'ouverture automatique du parachute au cas où. Ce qui est quand même bon à savoir. Hein. Au cas où quoi ? Ben, on va laisser libre à son imagination. Non, c'est un sport qui est vraiment très bien encadré, très sécurisé. Il faut savoir qu'il n'y a que malheureusement 6 accidents par an, ce qui est vraiment très faible par rapport au nombre de sauts. Et donc, une fois que le parachute est ouvert, là c'est vraiment visite de l'Aquitaine vue de haut, c'est vraiment très très agréable et au total le saut dure 4 bonnes minutes. Ça donne envie en tout cas de sauter donc à Mimizan en Aquitaine, on pourra, c'est pas très loin de Mont-de-Marsan hein, je crois, hein. c'est à quelques kilomètres. Hein, c'est à 80 kilomètres. Ouais, exactement, de Mont-de-Marsan, comment on fait pour en savoir plus ? On va sur le site internet tout simplement de France Bleu, hein, c'est ça, francebleu.com, on peut la podcaster et puis également si on veut en savoir plus, il y a le guide Balado Aquitaine et puis on peut vous retrouver sur le site internet de Balado, c'est ça ? Tout à fait, on peut retrouver ça donc dans le guide, mais également sur le site balado.fr. À samedi prochain, merci. Merci.